souvent, chaque cri s'efface. Faible et absent, pas de ce qu'il reste. Solide et franc, un feu qui brûle, paraît faire le temps. Vous bâtissez des murs de poussière, des vérités mortes, des ombres amères. Chaque phrase criée se perd dans l'air. Des échos vides, un culte précaire. Moi je marche droit, sans détour. Chaque mot gravé nourrit mes jours. Près de ce qu'il vit, clair et précis. Un roc debout, rien ne m'a affaibli. Echo of dust will fade away. Truth remains, it lies the way. Pride de ce qu'il stand, fire strong. I survive where lies go wrong. Every shadow turns to rust. Only flames outlive the dust. Echoes of dust will fade. But my voice will always stay. Ils suivent des rois faits de fumée, des trônes fragiles, vite consommés. Leur couronne tombe dans l'oubli, leur voix s'éteigne, je reste ici. Moi je n'ai pas besoin d'apparat, chaque cicatrice parle pour moi. Rider's Guild trace sans illusion, ma vérité vit sans concession. Echo of dust will fade away, truth remains, the light's the way. Rider's Guild stands, fire strong. I survive where lies go wrong. Every shadow turns to rust. Only flames outlive the dust. Echoes of dust will fade away. Our ways will always stay. Vos cris se meurent dans des reflets, mais vos mirages s'effacent à jamais. Moi je persiste, franc et léger, un feu sacré que rien n'éteint vite. Echo of dust will fade away. Truth remains, it lights the way. Rider's Guild stand, fire strong. I survive where lies go wrong. Every shadow turns to rust. Only flames outlive the dust. Echoes of dust will fade away. But my voice will always stay. Vos échos meurent, vos voix s'effacent. Chaque mensonge fini en trace, Rider's Guild vit, fidèle et vrai, un nom que rien n'éteindra jamais.